Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On reçoit Maxime Lemieux-Laramé avec sa chronique Télécharge quoi? Et on parle de gadgets dans la chronique technologique CNX. Assemblage requis, ça commence tout de suite. L'un donne sa langue au chat et l'autre un chat dans la gorge. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, émission du retour en pièces détachées. Je m'appelle Mathieu Plante. Salut Mathieu. Salut Kiwan. Et oui, je tiens tout de suite à m'excuser auprès des auditeurs pour ma voix vraiment atroce. J'allais dire suave, mais ouais. Ouais, ça dépend, là. Ça dépend de ton point de vue. Ça donne un style quand même, hein? Oui, ça donne un genre. Même moi, des fois, je me dis, quand j'ai un rhume, j'aimerais donc ça avoir cette voix-là plus souvent, tu sais. Ouais, tu fumes pas assez d'exporter verte, j'imagine. C'est ce que tu fais? C'est ce qui a causé ça, ouais? Ça, je me suis mis à l'exporter verte. Ah, d'accord. Aujourd'hui, dans l'émission, il va y avoir Maxime Lemieux-Laramé. Hein, tu le sais, il est toujours avec nous le lundi pour nous parler de musique alternative qu'il a découverte pendant la semaine. Hein? Oui, aujourd'hui, il va nous parler, entre autres, de Bernard Adamus, aussi de Xiu Xiu et de quoi d'autre? Book of Shade. Ouais. Aussi, chronique technologique CNX, comme on le fait une fois de temps en temps, on parle de technologie et de choses geek. Aujourd'hui, c'est des gadgets dans GoGo Gadget. Mais on commence en musique avec Zoo, c'est une nouvelle entrée du palmarès anglophone. Oui, c'est la position numéro 19 du palmarès anglo. C'est la pièce Fever of the Time à assemblage requis. Rocky. Ouais. Ça va être chic, hein? Je sais pas si je me rends jusqu'à la fin, par contre. Ouais. Professionnalisme se montre ici, je trouve, moi, Kiwan. Tu trouves pas? C'est drôle que la seule journée où j'ai vraiment pas de voix, on placote pendant la pièce. D'habitude, on se dit pas un mot. Non. Est-ce que tu veux nous parler longtemps comme ça? Ou Qui c'est moi? Non, faudrait en fait aujourd'hui que je ménage vraiment ma voix, que je parle le moins possible. Donc, écouter le plus de musique possible, tu vois. Tu trouves pas qu'il y a déjà assez de moi sinon? Parce que moi, je pense que de la musique serait mieux que moi. Moi, j'ai pas parlé de toi. Non, c'est ça. T'as bien fait parce que je t'en aurais voulu. On écoute un petit peu de Colorado. Faisons ça. Juliette, pourquoi Juliette, pas? Ben, ok, toi, je te fais plaisir. Ah, merci, Mathieu. Je laisse parler la musique. Of lovers come and gone. I ask if it makes her sad. Says, son, you've got so much to learn. The love life that you have kept, smiling on your dying day. You got a grace about you, yeah. Smoking her last cigarette. Puts on Patsy Cline, cuts a crust off sandwiches, and mentions how she don't mind dying. Tells stories about Pearl and Earl, best friends that she once had. We do the dishes, then she says it's time for bed. The love of life that you have kept, smiling on your dying day. You got a grace about you, yeah. Smoking her last cigarette. We ate ice cream last night before she slept. No plans for breakfast except to read the note she left. Gray and white skies, that day was a blur for me. She made me promise not to cry. So here is a drink I drink to thee. The love of life that you have kept, smiling on your dying day. You got a grace about you, yeah. Au moins, eux, on sait que c'est vraiment Colorado, si ça se prononce. Colorado. Avec un H aspiré. C'est quand même simple, là. Ouais, vraiment, il n'y a rien de plus simple que ça. La pièce Juliet, qui est présentement sur le palmarès anglophone, c'est leur album Record in a Bag. Avant ça, on a entendu Zeus à l'Assemblée générale. Oui, et Mathieu, on est le 1er mars. Aujourd'hui, c'est le premier jour du mois de mars. Ouais, c'est vrai. C'est le premier jour du mois de la prévention contre la fraude. Ah, d'accord, je savais Savais-tu, pas ça. Savais-tu, non? Non. Voilà, donc, soit sur tes gardes pendant oui. le mois de mars. OK. C'est un bon conseil que tu as là. Hein? Ça fait plaisir, Mathieu. Et toi, tu voulais aussi rajouter que c'est pas des drogues que tu as pris qui font que tu as cette voix-là. Non, c'est ça. Puis je fume pas non plus vraiment d'exporter verte. Okay. Non. C'est... Ouais. Je sais pas. Cela étant dit, tu bois, par contre, des fois. Et tu vas... C'est vrai. Tu veux vraiment qu'on parle de mon problème d'alcool en ongles? Non, je veux en fait qu'on parle du Trou du Diable. Ah, parce que le spectacle s'en vient là avec deux artistes qu'on apprécie beaucoup. Samedi prochain, très bon spectacle au Trou du Diable à Shawinigan. C'est Vidéoville qui sont passés il n'y a pas longtemps ici à Trois-Rivières dans le cadre de la série de spectacles Feu de forêt dans le désert. Là, ils vont être de retour en Mauricie à Shawinigan pour faire la première partie de We Are Wolves au Trou du Diable samedi prochain. Je ne sais pas si les billets s'achètent à l'avance ou seulement à la porte, mais en tout cas, c'est pas très grand le Trou du Diable, donc faudra prévoir pour ceux qui auront l'intention d'y aller. C'est pas un trou non plus. Non. On va les écouter dans l'ordre qui vont jouer en spectacle. Hein. Commençons par Vidéoville, avec la pièce... La pièce 18 hommes de bronze. C'est, ben oui, j'allais le dire. Laisse-moi le dire. Et We Are Wolves suivra à Assemblage Requis. Au 89.1 FM. C'est comme si on se parlait pas du tout de la musique qu'on allait jouer dans l'émission et qu'on fait juste mettre n'importe quoi. Ça ressemble à ça. C'est pas ça, là, évidemment. Mais ça ressemble vraiment beaucoup à ça. We'll be right back. We Are Wolves et Walking Commotion à Assemblage Requis. Donc, ouais, c'est samedi prochain, le 6 mars, au Trou du Diable, à Shawinigan. Tout à l'heure, on va recevoir Maxime Lemieux-Aramé avec sa chronique sur les nouveautés et les découvertes musicales qu'il a fait cette semaine. Ça va être très, très bon, ça, j'en suis sûr. Oui, ça sera bien ça dans quelques minutes. Et on va aussi avoir des cadeaux pour vous. On va avoir de beaux cadeaux à vous donner au cours de l'émission. Restez à l'écoute. Des cadeaux à vous mettre dans la boubouche. Du bon manger. Du bon manger. Ah, wow. Bon, donc tout de suite, on retourne en musique avec le groupe Monogrenade et la pièce Chambre au miroir. Ah, c'est fou. 89 FM. Elle m'entraîne dans tes bras. Vous écoutez Kiwan et Mathieu, assemblage requis. C'est toujours à Kiwan et Mathieu, assemblage requis, comme le dit si bien la voix de Danny Janvier qu'on salue en même temps. T'sais. C'est rare qu'on le fait, on ne le salue pas assez, tu trouves pas? Il sent bon. T'sais. Ben moi j'ai dit salut tantôt, hein, j'ai croisé, mais... Moi je travaille avec dans le même bureau, puis on se parle pas. T'sais. Bon. C'est pas vrai. Donc, on reçoit Maxime Lemulaire-Amé, qui aussi sent très bon, tu sais. Trouves-tu que ça... Je sais pas, c'est les dents, mon ami. Maxime s'est brossé les dents, mon ami. Je l'ai écrit sur votre page Facebook. T'es-tu sérieux? Ouais. Je vais jamais là, moi. Salut! Salut! Ça va, Mathieu? Ça va bien, toi? Ouais, ça va, Kiwan? Pas pire. Ben, moi, je trouve que ta voix est bien correcte. On parle depuis tantôt, puis... J'avais presque pas remarqué, je pense. Ah! Bienvenue dans l'antre de notre non-sens et dans l'émission où ben, il se passe merci. Tellement pas grand-chose, mais en même temps, plein d'affaires en même temps. Ben, merci. J'ai de la misère à rapprocher ça. Hein? Ton micro, hein? Il revient tout le temps. Ben oui. Ben oui, alors, cette semaine... Je vais super bien et puis je viens vous présenter trois artistes bon, que j'ai appris à connaître et d'autres que ça fait longtemps que je connais, que je suis. Et puis tantôt, on a parlé de Chouchou, Xiu Xiu. Oui, c'est ça. Alors c'est ça, c'est dans le fond, il faut chercher pour savoir comment dire, ouais, c'est ça, ben, prononcer. Ben pas tant en fait parce que... Surtout que la première recherche, en fait, quand on tape le nom qui s'écrit vraiment Xiu Xiu, ouais. On tombe sur la page Wikipédia, la première chose qu'il dit, c'est ouais. Se prononce chouchou. Donc, mais ça s'écrit X-I-U-X-I-U. Ouais, c'est ça, ouais. En deux mots. Fait que si tu fais pas de recherche, tu le vois, tu le lis sur Internet, tu penses que c'est Xiu Xiu, tu sais. C'est ça. Mais on se l'était déjà dit, hein, des fois, il faut que tu. Même des fois, moi, je vais sur YouTube pour essayer de voir des interviews. Ben oui, ben oui. Parce que c'est difficile à. Juste en lisant, à savoir comment prononcer, surtout quand c'est dans d'autres langues, hein, mm-hmm. que la nôtre. Alors, Xiu Xiu sort un album. Xiu Xiu, ouais, c'est ça. Ça Chou Chou, c'est comme chose, disait à Lisa Simpson. I Chou Chou Choose You. Ah oui, la petite carte, dans la carte. Là, oui. Ouais. Ah, des fois, là, tu parles d'affaires, puis je sais de quoi tu parles. C'est je suis content, hein? C'est ça. Ouais. Je suis vraiment content. Alors, sortait un album la semaine passée, mardi passé, 23 février. C'est leur 8e album studio. Ça c'est ça, l'album s'appelle Dear God, I Hate Myself et j'ai décidé de faire jouer la pièce titre qui s'intitule aussi Dear God. C'est drôle quand ça arrive, ça. Ouais, ben j'aime tout le temps ça, puis c'est souvent celle-là que je fais jouer. Ça me fait sourire. Puis ben c'est ça, j'ai. Tu te souris. Ouais. Et puis j'ai écouté un peu justement de leur pièce et puis je trouve que c'est un peu mélangé. Là. C'est vraiment un amalgame de styles. T'sais, vous allez voir, moi, en tout cas, j'ai entendu pas mal, ça me faisait penser pas mal à de l'expérimental parce que, bon, la voix fit pas nécessairement avec le style musical, mais c'est quand même agréable. En même temps, il y a tellement un large éventail de sons, ouais. En tout cas, parmi les pièces que j'ai entendues, des fois, ça me faisait beaucoup penser à Placebo. Ouais. D'autres fois, c'est complètement différent, c'est plus, des fois, c'est un petit peu plus dur d'écoute, je trouve. Ouais, ben, celle-là est correcte d'écoute, je dirais. Ouais. Correct. Alors, c'est Dear God, I Hate Myself. Chouchou! Dans le bloc télécharge quoi? À assemblage requis. Fait que là, c'est-tu chouchou ou chouchou? Ben, chouchou, chouchou. Je sais pas, c'est marqué chouchou. On va y aller avec ça? Chouchou, ouais. Mais en tout cas, c'est comme ça. Ok. Nicer to the cat than I am to you. Dear God, I hate myself. Dear God, I hate myself. And I will never be happy, and I will never feel no more. Don't ask me. This line is about you. What do there tonight, tonight? Why do they go there all night, all night? Why do they live there tonight, tonight? Why do they live at all? All right, all right. Dear God, I hate myself. Dear God, I hate myself. I'll never be happy. And I'll never feel normal. Électro même un peu hein, à la fin. Oui, vraiment. Alors c'était Chouchou, Dear God, I Hate Myself, de l'album du même titre. Alors c'était une suggestion à découvrir. Chouchou. Chouchou. XCU, XCU. Oui, groupe de Californie. J'avais oublié de mentionner tantôt. J'aime toujours ça, dire d'où proviennent les groupes. Alors je l'ai dit. Tes groupes Chouchou. Alors est-ce qu'on... Kiwan, tu m'as donné... C'est contagieux. Ouais. Ben voyons, les gars arrêtés pendant la musique de vous tout faire même. Ah non, c'est parce qu'on boit le même jus. Ah oui. Alors, comme un peu comme les gens de Chouchou qui ont l'air de se cracher ouais, du jus de raisin. Vu, hein, sur MySpace. Ouais. Une belle photo représentative, je dirais. Ça te crache d'en face la musique, ça. C'est comme ça. La musique postillonnante. Exact. Alors, est-ce qu'on y va avec Bernard Adamus? Ça te oui. va, Mathieu? Alors, c'est ça, je sais que ça fait longtemps que ça existe, Bernard Adamus, et je sais qu'on a, on a c'est fait une jouer... chose, c'est une personne. Ouais. Mais ça fait longtemps qu'il existe. Ouais. Ça, il a l'air d'avoir une trentaine d'années, donc ça fait un bout qu'il existe quand même. Genre 36 ans? À peu près. Blague étant que personne comprend. En attendant que je fasse rire Kiwan, c'est correct. C'est ça, c'est alors, notre public cible, c'est Kiwan. Salut Kiwan. Salut notre auditeur Kiwan. Et puis, je sais qu'il y avait, c'est quoi, la question à 1000$, 100$? Oui, la question à 100$, elle était sur le palmarès ici ouais. et ça l'a joué à peu près 200 000 fois dans l'émission La Dernière Porte à Gauche. Ben, juste dans celle-là, oui. Juste là, à peu près, oui. Puis moi, j'ai acheté le CD comme quand même récemment, je te dirais, il y a 2-3 semaines, puis je l'ai écouté attentivement peut-être la semaine passée. Puis la pièce qui entame l'album, qui s'intitule, je l'ai écrit dans mes notes. Cauchemar de course. Cauchemar de course, tu sais. L'album s'appelle Brun en passant. Oui, Brun. Court. Et puis, t'allais-tu dire quelque chose? Non, oui, non, mais vas-y. Mais c'est ça, Cauchemar de course, c'est la première pièce, puis je l'aime vraiment. Puis je me suis même dit que on pourrait genre faire un retour de Bernard Adamus sur le palmarès avec cette pièce-là. D'après moi, si on se met à gang, on est capable. Si on la joue quelques fois dans la semaine, ici à l'émission, c'est comme pas mal gagné d'avance. Et puis, je voulais dire aussi qu'il allait être en tournée... dans le coin, au mois de mars. Je sais qu'il va être à Drummond, Sorel, Joliette. Ouais, le samedi prochain à Drummondville. Ouais. Ouais. Samedi à Drummondville. Alors, si ça vous tente, c'est proche Drummondville. 45 minutes de n'importe où. 45 minutes ouais. de n'importe où. C'est 45 minutes de partout. Ouais. Tous les chemins mènent à Drummondville. À 45 minutes. Là. Ouais, ouais. Hey, un film qui s'appelle comme ça, pour vrai. Pour vrai. Un court-métrage. Ouais. Un court-métrage de Drummondvillois. Wow. Vous êtes dans le blog Télécharge quoi? Je vais le dire, vu qu'il dit pas. À Assemblage requis. C'est ça. Maxime. J'ouvre les yeux, pis j'vois Saint-Pierre, tu pointes toi et deux biens, sont dans la glacière. Pis il me dit, hey là, viens ta mon petit gars, ça se passe par là. Y'a trop de lumière, j'vois rien ici, mais j'attends Jésus qui m'invite. Assis à une table avec Ben Laden, pis le PD, j'ai du CNN. J'me dis, hey là, ils vont tu me dire tout haut ce qui passe tout bas. Fait que je m'assois parce que j'ai une faim de loup. La waitress, ça me fait du doux. Mais je check comme faux pis je comprends pas. Elle a la face à Mandela. Pis je me dis, hey là, tu passes quelque chose ici, on me le dit pas. Ben Laden mange des frites, il est en chasse à Swift à l'aubénite. Pendant que dit Jésus, c'est toi, y'a les fans. Mandela suçait sa graine. Pis je me dis, hey là, passe quelque chose et c'est moi je m'en vais de là. Ça prend le blabla, faire un monde. Je me dis, hey là, ils vont poigner des guns, shooter dans le tas. J'aboutis, je toquais des brumes, moule bleu, hey, il me sert pas de la tarte. En haut du bar, je vois une pancarte, vide la place avant que tu partes. Bernard Adamus avec la pièce Cauchemar de course, qui est sur son album Brun. Que je conseille, hein, Brun, malgré ce qu'on disait hors d'onde. Ben, Brun, l'album, en fait, initialement, c'est un album autoproduit, c'est un album indépendant. Il a été fait comme ça, comme il est, comme on l'entend, puis après ça, il a été repris par la compagnie Grosse Boîte, qui va probablement produire ses prochains albums et peut-être une réédition de celui-là aussi. Puis on parlait un peu là, de. On se demandait un peu qu'est-ce qui adviendrait peut-être du son de Bernard Adamus, étant donné que Grosse Boîte ont tendance un peu à formater tous les. Le son de leurs artistes à l'étiquette. Est-ce qu'on en mentionne quelques-uns des artistes comme ça? Il y a Power Up First. Je pense ben y a Dare to Care puis Grosse Boîte. Ouais. Grosse Boîte, c'est la même chose en fait. Là. Alors il y a aussi La Pater Rose, Cœur de Pirate. La Descente du Coude. Ouais. Mais en fait, je pense que La Descente du Coude, ça a été ma plus grande déception de voir à quel point ils ont changé leur son en arrivant avec Grosse Boîte. C'est vrai que ça rockait pas mal plus avant le dernier album. Ouais. Puis qui d'autre aussi? Tricot Machine, je crois. Ouais, j'allais dire. Ouais. Tricot Machine, tu vois aussi, qui étaient très minimalistes avant, qui sont devenus de plus en plus pop, avec plus d'arrangements. Mm-hmm. Mais en même temps, c'est pas une mauvaise chose. Là. Dans le fond, ils s'arrangent pour que le son soit accessible au plus grand nombre de personnes. Puis, tu sais, on parlait aussi tantôt, tu parlais qu'ils ont un peu le monopole, mais en même temps, le fait qu'ils soient de plus en plus gros, ça leur permet de faire plus de choses, de faire des plus grandes tournées avec plus d'artistes. Donc, je disais ça parce que j'avais l'impression, bon, je découvrais un artiste francophone québécois, puis deux mois après, ben, il avait signé sur Grosse Boîte. Il te scrap un peu. Ben, il me scrap. Tu sais, c'est arrivé avec, exemple, Tricot Machine, La Pater Rose, puis. Plus récemment, Bernard Adamus, tu sais, j'étais comme ah, tu sais, c'est. Puis là, Grosse Boîte signe ça, puis rentre dans Grosse Machine. Ouais. En même temps, ils font tourner leurs artistes, là. Ouais, ouais. Probablement qu'il n'y aurait pas autant de spectacles en région de ces artistes-là. Non, c'est pas une mauvaise chose. Il y a des points pour et des points contre. Ouais, c'est ça. Alors, ouais, c'était Bernard Adamus, et je le répète, qui est en tournée pas mal tout le mois de mars et à des endroits près de Trois-Rivières et ailleurs aussi. Alors, vérifiez ça sur, sur son MySpace. Alors, dernier artiste dont je veux parler aujourd'hui, c'est Buka Shade. C'est un duo de l'Allemagne, Frankfurt, qui sont maintenant installés à Berlin. Je suis vraiment content. Toujours Berlin. Hein. Berlin, là. Un jour, quand j'y serais allé... Mais ils n'ont pas de spectacle d'annoncé à Berlin, par contre. Petite déception. Mais... Non. Non, mais étant donné qu'ils viennent de là, ce serait pas non plus si impressionnant. Ça voudrait rien dire, en fait. Il faudrait qu'il y ait un spectacle annoncé, je sais pas, à... Timbuktu. Ouais. Ouais. Drummondville. Ah, ben oui. Ce serait très exotique. Alors, Buka Shade sort un album le 4 mai prochain qui s'intitule More Plus. More Plus? Plus. Et puis, il y a une pièce... disponible sur leur MySpace, non pas sur leur MySpace, sur leur .com, bookashade.com. Et sur ta clé USB aussi. Sur ma clé USB. Alors, le même principe que d'habitude, tu rentres ton adresse courriel et puis tu reçois le MP3. Presque instantanément. Exactement. Et puis la pièce qu'on va écouter, c'est Regenerate. Je ne l'ai pas bien dit. Hein? Regenerate. Regenerate, ouais. Regenerate. Regenerate. Ouais, d'après moi, je dirais Regenerate. C'est ce que j'ai dit. Non, t'as dit regenerate. La prononciation exacte. Excuse-moi. C'est vrai, t'as l'accent allemand en plus. Ben, ok. Buka Shade. We'll be right back. don't know. Je sais pas. Book of Shade avec la pièce Regenerate. Ouais, c'est bon. Qui vont être. Cette pièce-là va être sur l'album More qui sort le 4 mai. Alors, c'était mon petit teaser de la semaine. Ton agace. Ouais, mon agace. Puis, genre, il faudrait que j'en reparle hein, quand l'album sort en tant que tel. C'est pour vrai, J'en parle 2 mois d'avance, puis après ça. Ben, généralement, j'en reparle. Là. Quand tu m'as donné le ouais, le... tu le notes. Ouais, quand tu m'as donné le cue avant, là, ouais. Ouais, j'en reparle la journée qui sort. Ouais. Ok. Bon, mais parfait. Et puis, bon, monsieur, ça conclut pas mal ce que j'avais à dire. J'espère qu'on va se voir peut-être samedi. Hein? We Are Wolves. Mm-hmm. Microbrasserie. Ça va dépendre de toi. Toi, tu vas être là? Ça devrait, ouais. Toi, Mathieu? Peut-être. Ah, l'autre fois, ben, je pouvais. J'avais un match d'or. J'avais un match, ouais. Ouais. Désolé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que t'aimerais mieux venir voir un show que d'aller à une partie de hockey. J'en parlerai à mon coach, voir si ça, il est d'accord avec ça. Qu'il vienne lui aussi. Amener l'équipe, ça va remplir la place, on aime ça. Bon, mais c'est bon. À la prochaine. Merci, Maxime. Lundi prochain, je dirais comme ça. Vers les 15h30. Yes. Bye. Bye. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées avec Kiwan et Mathieu. Hein, Kiwan? Oui, il reste encore plus qu'une heure à l'émission. Il reste encore des cadeaux à vous donner. Il y a une chronique CNX qui s'en vient aussi. Il y a un certificat cadeau qu'on vous donne tantôt. Je vous en parle pas tout de suite. C'est trop. Il y a trop d'affaires. Là. Beaucoup trop. Mais pour l'instant, on va aller écouter un peu de musique. On va aller écouter la position numéro 1 du palmarès francophone. C'est le groupe Benes Parietaire avec la pièce Givresse à Assemblage Requis. Je me suis endormi dans la tarte. Je me souviens. Givresse de Vanessa Parietar, c'est la position numéro 1 du palmarès francophone. Et c'est ce qui termine la première heure. C'est ce que tu ressentais dans ta bouche, hein, de la givresse en ce moment. Ouais. Avec ton mal de gorge. Ça pourrait se dire comme ça, là, mais en tout cas. Pas vraiment. OK. Donc, la deuxième heure qui s'en vient tantôt avec une chronique technologique CNX sur les gadgets. On va aussi parler des talk-shows de fin de soirée. Je vais vous faire jouer quelques extraits de ça. Aussi, ben, on en parle plus tantôt, mais du manger dans votre babouche. Un beau cadeau à vous donner. Restez là. Bonjour, bienvenue dans la deuxième heure d'Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées. Lui, c'est Kiwan. Et lui, c'est Mathieu. Et vous êtes tellement heureux d'être avec nous. Pourquoi? Parce qu'on a un tirage pour vous. Ben oui, on n'arrête pas de vous dire depuis tantôt qu'on vous donne un cadeau, mais on vous a même pas dit c'est quoi encore. Mais vous avez peut-être entendu la pub il y a environ 30 secondes de ça. C'est Yuzu Sushi. Je crois que c'est un nouveau restaurant de sushi à Trois-Rivières. C'est sur le boulevard des Forges, au 4825 boulevard des Forges, ici à Trois-Rivières. Et on a un certificat cadeau de 10$ à vous remettre tout de suite si vous nous appelez au 376-5183. 819-376-5183 pendant qu'on écoute la pièce Rather Be With You de Yukon Blonde. À Assemblage Rock. as I wait on the wait, the stars wait for the light of day and the way light moves. I'm tired of the constellations, the fights for euthanasia. Did we ever really land on the moon? And maybe there's a weight on the words I miss you. Do they repress you? That's the way love moves. I'm tired of the constellations and stars being every solution for the way I feel. And I'm one man for Mars, and all my life will we be the same? Groupe We Are The City avec la pièce Astronomers. C'est un jeune groupe de Vancouver, We Are The City, et ils sont en spectacle. Ils ont sorti leur album récemment. En fait, on en avait écouté ici à l'émission la semaine où ils ont sorti cet album-là qui s'appelle In A Quiet World. Et ils vont être en spectacle en tournée en fait au Québec. Ils sont vendredi à Québec et samedi à Montréal. C'est au Cercle à Québec et à Green Room à Montréal. Donc voilà pour We Are The City. Et Yukon Blonde même, qu'on a entendu juste avant, Yukon Blonde qui sont dans le palmarès anglophone ici, c'est fou. Eux aussi, c'est un groupe de Vancouver qui sont en tournée cette semaine au Québec, mais pas au même moment, pas avec We Are The City. C'est drôle, c'est les deux groupes viennent de la côte ouest, sont ici en même temps, presque les mêmes jours, aux mêmes places, mais pas dans les mêmes salles. Donc Yukon Blonde, c'est dimanche à Québec et vendredi à Montréal. Peut-être avec le même public, par contre. Ben ouais, on sait pas. Parlant de groupes qui se produisent en quelque part, c'est le moment de parler des talk shows américains. Vous savez qu'ils s'en passent beaucoup et c'est là que les invités musicaux sont hein, pour nous. Il n'y a pas de talk show québécois, ben, qu'il soit de la musique qu'on passe ici assez fou. Pas ben, ben. Ben, y a bel et bon, là. Ouais. C'est vrai. Commençons très mollo aujourd'hui. Le seul invité qui sera. Ça, en fait, ça se rapproche pas du tout. Ludacris est à David Letterman ce soir, ça peut t'intéresser. Il est aussi à Jimmy Fallon demain. Mais on n'en a pas malheureusement, donc on ne pourra pas en passer. On n'a pas non plus plein d'autres affaires qu'il va y avoir comme invité. Brad Paisley. Jay Leno qui recommence son émission ce soir, hein? Le Tonight Show. OK. Ben, hâte de voir ça. Commence ce soir, là. Oui, le nouveau Tonight Show. L'ancien, nouveau, ancien Tonight Show avec Jay Leno. toujours des blagues de v'là 5-6 ans. Puis là, ça va être quoi à 22h, là? Rien? 23h35. À 22h, ça va être le retour des émissions dramatiques sur NBC, okay. Après la controverse et la fin de l'émission de Conan O'Brien. Bref, Jay Leno est de retour ce soir. Je vais l'écouter comme j'ai écouté sa première émission, sa dernière émission du Tonight Show de l'ancienne version. J'ai écouté son premier Jay Leno Show, le dernier de son Jay Leno Show à 22h. Et là, j'ai écouté le premier Tonight Show. Mais entre tout ça, t'écoutes jamais rien. Là. Toi, t'écoutes juste les premières et les dernières. Pour Jay Leno, oui, c'est exactement ça. Les émissions historiques. Exactement. Tu vas pouvoir dire, moi, je l'ai écouté la première. C'est ça. Mais par contre, quand j'aime quelque chose comme Conan, ben lui, je l'ai écouté du début à la fin, tous les épisodes. Assez parlé de moi. Donc, Ludacris, c'est ça, il va être aussi demain à Jimmy Fallon. Ça, c'est sur NBC à 00h35. Quelque chose qui nous touche un petit peu plus, c'est Phoenix qui va être à Carson Daly à l'émission de demain, mardi. Ça, c'est à 1h35 du matin sur NBC. Hein, c'est les musiques underground, là, c'est là que ça se passe. Mercredi, c'est pour les gens qui sont là puis qui sont couchés dans leur lit, qui boivent du Hero, des affaires de même. Bon. Mercredi 3 mars, on parle de Jet à Jimmy Kimmel. Ça, c'est sur ABC. C'est à 00h05. Jeudi, Spoon est à David Letterman, ça c'était à 11h35, c'est sur CBS. Un groupe qui est passé par nos palmarès, mais dont vous vous souvenez peut-être pas. En fait, il faudra en faire jouer Manoline de temps en temps. C'était bon, du Galactic. C'était à Jimmy Kimmel. Effectivement, ça me dit rien. C'était très bon ça. Une formation que tu connais peut-être, qu'on va écouter tantôt, Fan Farlow est à Carson Daly, ça c'est jeudi soir, 1h35. Évidemment, jeudi soir, ça veut dire vendredi matin. Hein? On s'entend. Et on termine avec vendredi, côté talk show américain. Il y a Regina Spektor qui est à Craig Ferguson. Ça, c'est sur CBS à 00h35, vendredi. Dans la nuit de vendredi à samedi. Donc voilà. Et puis finalement, pour terminer ça, Saturday Night Live, samedi prochain, c'est l'humoriste que vous connaissez peut-être du film Lendemain de veille, qui va animer Zach Galifianakis. Très, très, très drôle. Mais l'invité musical, c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est Vampire Weekend. Aha. C'est pas mal mieux que Jennifer Lopez qui était hier, avant-hier. Ouais, ça, ça dépend des goûts. Ça dépend des fesses. Donc, on va écouter du... ça dépend des fesses. On va écouter du Vampire Weekend tantôt, mais avant ça, on débute avec un petit peu de Fan Farlow. On va écouter la pièce Harold T. Wilkins. Qu'en penses-tu? Mais allons-y tout de suite. Kiwan t'as pas vraiment de nom de famille à dire, toi? Hein? Non. You've been parking your bikes for the 10th time. You've been up on the roof again. So you're buying your time, but it's alright. They're coming any week now. Oh. Time to realize you were never. said, you know, there's no way. La pièce Run de Vampire Weekend à Assemblage Rookie. On se rappelle que Vampire Weekend seront à Saturday Night Live, l'émission de sketch samedi qui s'en vient avec Zach Galifianakis comme animateur. Et j'ai vraiment très très hâte d'entendre ça et de voir ça, moi. Ouais. Pour l'instant, ouais. On s'en va en chronique CNX. Qu'est-ce que t'en dis? Oh non! On prépare à tous les jours, attention. Oh, ah. Go, go, gadget. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui dans la chronique technologique CNX, c'est Go Go Gadget. Donc, on parle de gadget qui soit utile ou inutile, comment dire, intéressant ou superflu, ou inadéquat, ou plein d'autres adjectifs comme ça, là. Des qualificatifs, si on veut. Simple. Ou des onomatopées aussi, ça peut être ça, là. Mais vas-tu vraiment en avoir des inadéquats? Sûrement, sûrement. Si on parle de moi... C'est vrai. En train de lire l'article. Déjà en partant, là, ouais. Ça commence mal. Donc, un article que j'ai vu sur Branchez-vous Gadget qui vous demande de vous aimer lire au lit, mais plier le cou pour orienter vos yeux vers votre livre vous semble requérir un effort excessif. Hein? Kiwan, quand tu lis dans ton lit, là, t'es sur le dos, ça va mal. Faut te mettre sur le ventre, t'as mal aux épaules, etc. T'sais, ça va super mal lire dans le lit. Là. Ben, c'est vrai que c'est désagréable, mais moi, ce que je fais, c'est que je tiens mes bras dans les airs devant ma face, donc c'est fatigant pour les bras. Ouais, c'est ça. Ben, exactement. Ça te fait faire du gym en même temps, mais là, je suis pipé, c'est incroyable. Ouais, ouais, vraiment. Donc, le magasin en ligne Hanaker Schlemmer à la solution des lunettes de lecture horizontale. Il s'agit d'une paire de lunettes dotées de prismes qui dévient la lumière de 90 degrés, ce qui permet de lire confortablement le tout en ayant les yeux qui pointent directement vers le plafond. Bon. Évidemment, pour pouvoir enfiler ce genre de lunettes, il va éventuellement falloir sortir du lit pour aller les chercher, dit l'article, mais ça, c'est une autre histoire. Ça coûte 50$ chez Hanaker Schlemmer. Allez voir le lien sur assemblagerequis.com. Seulement 1 gigaoctet pour ces prochaines affaires-là, c'est des clés USB, hein, c'est quand même pas beaucoup pour 20$ de nos jours, on peut avoir pas mal plus de gigs que ça. Mais quand même, ThinkGeek va certainement en vendre des millions, c'est des lecteurs flash USB, Japanese Lightsaber. Hein? Ce sont des articles de collection officiels de Lucasfilm. Ils sont disponibles en rouge ou en vert. Donc, rouge pour Darth Vader et vert pour Luke Skywalker. C'est ce qu'on me dit. Parce que j'ai pas vu Star Wars, je le rappelle. Je suis un geek qui n'a pas vu Star Wars. C'est dur à croire, mais quand même. Bref, c'est vraiment des petites clés USB qui ressemblent vraiment à un lightsaber. Là, faisceau lumineux, super joli. Allez voir le lien sur assemblagerequis.com si vous voulez l'acheter, ce que vous êtes déjà sûrement en train de faire. Hein, Kiwan, t'es en train de taper. Hein, tap. Exactement. Ouais. J'ai fait. Ah, c'était déjà reçu, mais le service est donc bien rapide. Incroyable. Bonne nouvelle pour ceux et celles qui veulent encourager leurs filles à entreprendre des carrières scientifiques, nous dit le prochain article. Barbie est maintenant offerte en deux modèles ultra geek. D'abord, il y a la Barbie ingénieure informatique hein, qui va être disponible en magasin très bientôt. Hein, nouvelle carrière qui est la 125e depuis la création de la Barbie, en passant. Ça a été choisi à la suite d'un vote en ligne. Puis aussi la Barbie Video Girl qui est dotée d'un caméscope minuscule camouflé dans son collier et d'un minuscule écran en cristaux liquides incrusté dans son dos. La caméra peut capter jusqu'à 30 minutes de film qu'on peut ensuite télécharger et éditer en ligne sur le site Barbie.com. Wow! Une vraie caméra, là. Ouais, ouais, une vraie caméra, là. Environ 50$ pour le modèle Barbie Video Girl. On ne connaît pas le prix de la Barbie ingénieure informatique, par contre. T'en veux une avec la caméra, hein? Vraiment? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, là? Voilà, c'est mon intimité, ça, ah, Mathieu. Ouais. Un petit peu de gêne. Une installation artistique maintenant qui date en fait de 2006, mais ça recommence à faire un petit peu le tour de l'Internet. C'est pas un gadget en tant que tel, c'est une idée, c'est quelque chose de très très bien. Donc ça s'appelle, en fait, commençons par le début, un peu de la même façon qu'un téléviseur utilise des pixels colorés pour produire des images, le VSS TV Plotter injecte des bulles d'un papier, tu sais, un genre de papier à bulles, tu sais, que tu peux péter les bulles. Ouais. C'est un rouleau de plastique de bulles. Là. Bon, ça les injecte de couleurs cyan, magenta et jaune, de l'encre donc, en utilisant une tête d'impression avec trois longues aiguilles. Ça a été créé par Gebhardt Singh-Muller en collaboration avec Jacob Heidebecker et un paquet d'autres que je ne nommerai pas là. Le VSS TV est supposé être un nouveau format de télé. Basé sur le SSTV, qui est le Slow Scan Television. C'est un système de transmission d'images qui est utilisé par les gens qui aiment les radios amateurs, là. Hein? Excepté que le système VSS TV, le système qu'ils ont développé, ne peut produire qu'une seule image de vidéo par jour pour l'instant. Donc, évidemment, c'est pas le futur pour tout de suite. Peut-être le futur, c'est pas mal éloigné, hein, finalement. Ah, en tout cas. Nombreux, qu'est-ce que je raconte ici? Est-ce que oui? Oh, voilà. Nouveau membre de la famille de périphériques pour joueurs Sidewinder de Microsoft. Vous connaissez les claviers, les souris, etc. Là, Sidewinder. Le clavier X4 semble être conçu pour les membres d'une espèce extraterrestre dotée de beaucoup trop d'appendices tactiles, dit l'article. Outre les fonctions habituelles auxquelles les joueurs sont maintenant habitués, dont les touches programmables et les rétroéclairages ajustables en rouge-orange pour ne pas affecter la vision nocturne de ceux qui jouent dans le noir, le X4 est doté de circuits avancés capables de détecter correctement jusqu'à 26 touches simultanées en même temps. Donc, si vous tapez votre tête sur le clavier, là, toutes les lettres vont être là. On se demande évidemment qui va avoir besoin de 26 touches à la fois, mais bon, c'est ça. Bonne interprétation des touches qui risque d'occuper un rang assez mineur dans l'échelle de priorité de bien des gens, dit l'article. Ça vaut environ 60$. Ça va être disponible ce printemps. C'est sur assemblagerequis.com que vous allez trouver le lien, évidemment. Ici, ça dit, nombreux sont ceux qui, pendant le captivant, match de hockey à la télé, ont vu leurs petits doigts délicats sournoisement attaqués par la lipidique substance recouvrant les croustilles arrachées et autres délicieuses friandises qu'ils avaient choisies pour agrémenter encore un peu plus cette bienheureuse soirée. C'est vraiment dit d'une drôle de façon. En fond, c'est quand vous watchez votre game de hockey, vous avez les doigts tout beurrés. C'est ça, quand t'es sur le couch, là. C'est ça. Ouais. Tu viens les doigts tout beurrés, c'est ça. C'est à peu près ça. C'est ça que ça veut dire. Mais terminée cette époque, elle est terminée. Le Poteki Bionic Grabber, une invention japonaise qui va bientôt révolutionner l'industrie du casse-croûte, dit l'article, est une main télescopique qui se termine en forme de pince et qui est conçue spécialement pour saisir doucement les croustilles sans les briser, comme le ferait la plupart des autres instruments du genre. Ainsi, plus besoin de se salir les doigts ni de laisser des empreintes digitales graisseuses partout. Hein? Ah, c'est beau. Vite dollars. 8$ chez Nerd Approved, entre autres. En fait, le lien est sur assemblagerequis.com. Penses-tu vraiment que c'est compatible, toi, une invention du genre avec le caractère typique de la personne qui regarde du sport à la télé? Je sais pas, hein, c'est plus approprié pour quelqu'un qui jouerait peut-être à World of Warcraft et qui aurait un clavier à 26 touches en même temps et puis qu'il y aurait dans sa bouche la pince. Probablement, ouais. Tu vois, ça, c'est plus adapté. Moi, j'aurais fait l'article comme ça. Une paille dans un 2 litres de Mountain Dew. Moi, en tout cas, j'aimerais bien ça faire ça. Peut-être pas avec World of Warcraft, par exemple. As-tu vu l'épisode de South Park? Non, tu m'en parles souvent, par contre. Hein, je devrais vraiment aller voir ça. Moi. Ouais, sur World of Warcraft, c'est vraiment très drôle. Je suis incroyablement en retard là-dessus, comme bien des affaires dans la vie. Tu sais, Kiwan, qu'une alarme qui sonne très, très fort est une bonne façon d'alerter les gens pour leur dire bon qu'il y a un feu, qu'il y a une urgence, etc. Mais as-tu déjà pensé aux sourds? Ah, c'est vrai. Ah, ben quand même, bon point. Hein? Il peut y avoir des lumières qui clignotent qui sont très efficaces, excepté quand tu dors. Parce que là, t'as pas la lumière là aux minutes là. Sinon, si la lumière est pas à un endroit où la personne est située, ça peut aller mal. Donc, une compagnie japonaise nommée Air Water Safety Service a développé un nouveau type d'alarme pour le feu qui utilise des odeurs au lieu de sons. Hein? Plus spécifiquement, ça utilise allyl isothiocyanate. Hein? Qu'on trouve entre autres dans le gingembre et le wasabi. Hein? Dans des quantités spécifiques, ça peut réveiller quelqu'un sans leur donner de sensation de brûlure dans les yeux. Ils ont testé l'alarme et apparemment c'était efficace dans une pièce d'environ 50 pieds carrés. Et ça réveille quelqu'un avec l'odeur seulement à l'intérieur de 2 minutes et demie. Bon, évidemment, c'est pas quelque chose qui va te faire sauter du lit. Mais quand même, si c'est un début de feu, ça peut aider. 2 minutes et demie, c'est mieux que rien. Si t'as ça et la lumière, tu sais, plus t'as de facteurs en même temps, plus ça va pouvoir réveiller la personne sourde. Malheureusement, pour l'instant, ça coûte 560$, ce qui veut dire que les unités se vendent pas si bien que ça. Mais la compagnie espère redessiner son produit, faire un redesign hein, pour pouvoir descendre le prix. Ça va être moins cher, mais il essaie de viser le 225$. Évidemment, quand t'as un handicap comme celui-là, des fois, ben t'as pas le choix de payer parce qu'il faut trouver des inventions efficaces. Et puis ça, ben ça se paye, hein? T'sais? Ben ouais, c'est ça même. T'sais, même là, même à 500$, t'sais, pour quelqu'un qui habite seul, je trouve que c'est quand même... c'est parce que c'est rare aussi, je pense, là, les gens sourds qui habitent vraiment seuls avec personne d'entendant dans leur maison, j'imagine. Ouais. Mais j'en connais, en fait. Je connais un couple qui sont sourds les deux, donc... C'est pas si cher à payer, là, 500$ pour s'assurer d'être réveillé s'il y a un feu ou quelque chose du genre. Exactement. Donc voilà pour les gadgets et on va retrouver ces chroniques-là jeudi à scenix.zip, c'est à 10h. Mais avant de conclure, j'avais une petite nouvelle que vous avez peut-être lue. Si vous avez pas vu ça, ben je vous avertis parce que c'est très, très, très important. On dit aujourd'hui, pour le reste de la journée, de pas aller sur le PlayStation Network. Pourquoi? Ben je vous en parle. Je vais vous lire l'article sur rgamers.com qui a été posté très récemment avec plusieurs mises à jour. Mais on commence en disant qu'hier soir, il y a un problème majeur qui a affecté le PlayStation Network. Plusieurs joueurs qui ont soudainement été incapables de se connecter en ligne. Surtout, certains ont perdu des informations importantes comme des données de sauvegarde, des démos, des mises à jour, des trophées et même que c'est impossible de jouer à des jeux offline. Bref, c'est le bordel total. Sony a révélé que ces problèmes touchent ceux qui ont le vieux modèle de PlayStation 3, le PlayStation 3 Fat, si on veut, le modèle qui ressemblait à un frigidaire. Ces gens-là devraient éviter de démarrer leur console pour l'instant. Et le problème serait une confusion de date entre le 28 février et le 1er mars. Le bug de l'an 2010, si on veut. Ceux qui ont une PlayStation 3 Slim ne seraient pas affectés. Ça nous dit, il y a quelques temps, en fait, il y a quelques heures de ça, ça nous disait que Sony était assez muette pendant un bon moment, qu'il y avait plein d'informations non confirmées. Ça a rapport avec l'horloge interne de la PlayStation 3 qui pense que 2010 est une année bissextile. Donc, peu importe si vous avez démarré votre console depuis minuit, elle est affectée par ce problème. La mise à jour la plus récente nous dit que Sony a confirmé que le problème vient de l'horloge interne et la compagnie espère pouvoir corriger le problème d'ici 24 heures. Les chances sont bonnes pour que tout soit correct à 19 heures ce soir. Donc, d'ici là, Sony recommande de ne pas utiliser la console PlayStation 3 Fat, donc le gros modèle faux à gaufre. Si vous avez une PlayStation 3 Slim, toute jolie, là. Vous devriez être épargné, donc tant mieux pour vous. Suivez les nouvelles sur rgamers.com. Évidemment, on n'est pas en direct 24h sur 24, donc c'est difficile de vous tenir au courant de tout. Mais bon, PlayStation 3, modèle le Fat. Essayez donc de ne pas l'ouvrir pour le reste de la journée. Et suivez le compte Twitter de Sony pour être mis au courant. C'est noté. Voilà. Comme je disais, bon, collègue CNX qui sera de retour pour le restant de la semaine, ou au moins demain et mercredi, on essaie, hein? On essaie. Et sinon, on retrouve tout ça dans CNX.zip jeudi matin à 10h. Oui, et maintenant, ça va entendre du Polype. Mais avant ça... On va aller écouter un peu de Polype, oui, mais pendant la pièce, en fait, si vous voulez toujours aller manger des bons sushis chez Yuzu Sushi, on a toujours un certificat cadeau de 10$ à vous remettre. Donc, vous nous appelez au 376-5183 pendant la pièce de Polype qu'on va écouter tout de suite. Je suis allé chez Yuzu. C'est excellent. Leur dessert particulièrement... Oh, que c'est bon! 819-376-5183, on prend le troisième appel. Direct à part. Polype avec la pièce Quadir et Polype vont être en spectacle ici à Trois-Rivières. C'est à l'Embuscade le mercredi 3 mars, oui, donc dans deux jours. Et ils vont être aussi de passage ici dans les studios de C'est fou, n'est-ce pas? Oui, à l'émission Le Dîner de Cons avec Danny et André, ça se passe mercredi sur l'heure du midi entre 11h et 13h. Performance live, waouh! J'ai hâte d'entendre ça. Moi aussi, moi j'ai hâte d'entendre la suite d'Assemblage requis dans deux minutes. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. L'émission Assemblage requis qui tire presque à sa fin. L'émission arrive dangereusement proche de sa conclusion, je dirais. Hein? Il reste encore une bonne vingtaine de minutes avec, entre autres, de l'excellente musique dans ces 20 minutes-là. C'est si peu, 20 minutes. Arrête de me dire que c'est beaucoup. C'est trop peu pour moi. Non, c'est sûr que c'est pas beaucoup, mais on va quand même en profiter comme si c'était les dernières 20 minutes de notre vie. C'est comme presser un citron. Hein? C'est comme... Une barbouillette. Ouais. Une débarbouillette. Est-ce que y a-t-il vraiment du monde qui sert de... De quoi? Ça me débarbouillette, je vois pas bien l'utilité tant que ça. Ah non? Non. Ben, pour se laver le visage, non? Ah ben oui. Hey, on va aller écouter la position numéro 1 du palmarès anglophone. Qu'est-ce que t'en dis? C'est le groupe Yes Ayer avec la pièce Ambling Help. On écoute ça tout de suite à Assemblage requis. Ouais, pour se laver le visage. Ouais. Ah! J'ai de... L'eau qui coule, t'as-tu? Dans la... Si t'écoutes, il y a comme de l'eau qui coule. C'était bon. Stick up for yourself, so hard. superstar. Marchais sur la main ou marchais sur la auto mode. Inéminimanemo, c'est qu'est-ce qui veut du jello. Si ton sport c'est du vélo, ben come on baby hello. Saute dans saute la question, marchais sur la haie. Ok, j'explique c'est 7-7-7 jet set dans ma minivan. No, that cost you my case in case que ma case work bro. Hit case in case que ma still work bro. Penny loaf of decks, you got that soul. Got the soul, got the gym. Nah man, wish work my tan. Shopping channel, vend that scam. Copy, call it, shoot, come damn. Basically, so basic, so avec mes penny loafers ou avec mes decks, shoot. Et j'vais marcher sur la. Marcher sur la haie, j'ai dit plus broke, ne y'a pillé, marcher sur la. Pas un cent à mon nom, poste de Louis Vuitton. Une paire de deck shoes, pas de boîte, bateau, un promenade down. C'est le même que ça se passe, quoi d'où tu veux, j'te dis. Buy-moi 15 minutes, puis watch mon parc de mes valises. J'dirais pas que j'suis pauvre, j'dirais plutôt que j'suis broke. Un gars, ça me coûte rien, à me promener sur la côte. Moi j'aime les couchers de soleil, puis watcher les bateaux. Avec de l'easy listening jazz, qui joue sur mon radio. Avec mes penny loafers ou avec mes deck shoes, j'vais marcher sur la. Aéronautique avec mes deck shoes. Je m'achance sur la haie. Je m'achance sur la roue. Je m'achance sur la veille. Le jour où je fais rien de glue. Je m'achance pour des causes. Moi je croyais rien du tout. C'est la new edition. Television match le piano. Tout ça d'un monde qui sait. Tout le monde croit qu'il faut. Tout ça d'un monde qui croit. Les histoires des matelots. Moi je les ai trouvés sur le bout du chat. En marchant sur la wall. Sans plus broke, mieux y habillé, marché sur la haie. J'ai dit plus broke, mieux y habillé, marché sur la haie. Plus broke, mieux y habillé, marché sur la haie. J'ai dit plus broke, mieux y habillé, marché sur la haie. Avec mes penny loafers ou avec mes deck shoes, je vais marcher sur la haie. Deck Show, le succès des palmarès de la part de Radio Radio, ici dans l'assemblage requis. Hein, Radio Radio qui fait son retour là avec Belmundo Regal. Oui, l'album est disponible en magasin à partir de demain, le 2 mars. Demain? Oui, le lancement va avoir lieu le 4, lui, jeudi à Montréal. Ah, ben... tu sais quoi, en fait, semaine, je me suis amusé un petit peu à écouter du Orange Orange. Ça oui, tenté, parce que... t'as écouté l'album au complet. Ouais. Puis, qu'est-ce que t'en penses? J'ai bien aimé, moi. Ouais. C'est cool. Moi, j'étais j'ai... pas sûr. Mais... Ouais, moi, je l'avais dit même, donc t'avais probablement cette idée-là avant de l'écouter, mais moi, je l'avais pas tant aimé. Je trouvais que la fin, un peu, des fois, je sais pas... Je trouve que c'est quétaine un peu, des fois. Ben moi aussi, puis, c'est ce que je me suis dit. Il y a des pièces où t'as l'impression que c'est comme un genre de duo quétaine entre Chetu Garou puis un, tu sais, je sais pas. Ouais, c'est ça. Tu sais, ils sont un couple, je pense, dans la vie, hein. Puis pas, on dirait que des fois, c'est... je sais pas. Je sais pas juste qu'est-ce qui cloche avec la fin de l'album, mais je trouve qu'au début de l'album, il y a quelques pièces, en fait, dont Et je pleure, Je suis le héros, Montréal à moi, c'est des très bonnes pièces. Ouais. Mais aussi, des fois, c'est au niveau de la mélodie, je trouve que c'est un peu trop, je sais pas, trop simpliste. Je sais pas. Ben, j'ai de la misère à dire qu'est-ce que j'aime pas de cet album-là. C'est un peu difficile de mettre le doigt dessus. Moi, j'ai beaucoup aimé les beats, même vers la fin de l'album. Je trouve que les beats sont subtils. Il y a des pièces qui commencent vraiment, vraiment bien, puis là, soudainement, ça se met à chanter d'une façon un peu moins, tu sais, moins comme les autres pièces de leur album. C'est vrai que des fois, la voix est vraiment agressante. Et c'est là qu'on entend le côté quétaine un peu. Souvent, c'est dans leur voix. Il y a entre autres une très mauvaise reprise, je trouve. Puis c'est pas que la reprise est mauvaise dans le sens que l'original est meilleur, mais il y a la pièce je lance dans ma tête de Céline Dion qui est reprise, mais qui est pratiquement intégrale. On pourrait presque entendre la version officielle. Donc je trouve que c'est pas une bonne reprise. Je trouve que la reprise est trop proche de l'original. Ça sert à rien dans ce temps-là de faire ça. Un peu comme les films ou avec un truc. Mais moi, je continue à penser que Orange Orange, c'est un petit peu le prochain Alpha Rococo. Genre, là, présentement, les radios comme nous, universitaires, tu sais, se l'approprient, la font jouer beaucoup. Genre, jusqu'à en abuser. Puis dans quelques semaines, sûrement que ça va commencer à jouer ailleurs, ou peut-être que ça a déjà commencé, qu'est-ce que j'en sais. Mais Alpha Coco, c'était ça. Là, on a commencé à jouer vraiment beaucoup, intensément. Puis du jour au lendemain, on a arrêté, ouais. Parce que ça jouait partout ailleurs. Moi, ouais, mais Alpha Coco, moi, quand ça jouait ici, j'aimais pas ça, tu sais. Ah, j'aimais ça, super gros. Tu sais, si Orange Orange se met à jouer partout, je vais quand même trouver qu'il y a des pièces qui sont vraiment bonnes. Je vais continuer à aimer, là, les pièces que j'aimais sur cet album-là. Mais Alpha Coco, non, tu vois, ça m'a jamais vraiment touché. Bon. On va aller entendre une pièce qui se situe justement dans ta deuxième partie d'album que t'aimes un petit peu moins. On va s'en faire une idée, parce que les autres jouent beaucoup assez fou, là. Comme tu disais, Je pleure, je suis le héros, tout ça, ça joue en masse. Donc, si vous écoutez une fois de temps en temps, vous risquez de tomber dessus, là. Mais tu vois, j'ai justement pas écouté beaucoup la fin de l'album parce que, tu sais, quand ça m'accroche pas, ouais. Là, après quelques écoutes, j'ai comme abandonné un peu, quand même, peut-être trop rapidement. Mais j'ai pas tant écouté là, les dernières pièces de l'album. Puis tu vois, celle-là, tu me l'as fait écouter tantôt, la pièce Love, Love, Love. Et puis j'avoue que le rythme est très intéressant. Bon, on écoute ça tout de suite, d'abord. À Assemblage Rock. Love, love, love. je sais même que je te trouverai à l'endroit même où je me trouverai. Et je sais même que je te trouverai à l'endroit même où je me trouverai. Et je sais même que je te trouverai à l'endroit même où je me trouverai. Et je sais même. Love, love, love de Orange Orange. Beaucoup de redondances et de répétitions et de choses qui sonnent pareilles. Hein? C'est ça. Ben oui, mais moi j'aime bien ça. Ben oui, c'est correct. Ben oui. Nous, c'est pas mal la fin d'Assemblage requis pour aujourd'hui. On va se retrouver demain à 15h avec Émilie Gauthier, sa chronique plein air. Veux-tu sortir avec moi? Mm-hmm. Ah, c'est vrai, non, elle est pas là demain. Oui. Non, elle est pas là demain. Hey. C'est la semaine de relâche, Mathieu. Ben oui. Hey, j'oubliais ça. Qu'est-ce qu'on a demain? Rien avant tout. C'est ça? Rien de spécial. Rien de spécial. Ah, il va y avoir une chronique CNX demain. Oubliez tout ce que j'ai dit, autre que CNX demain. Sur nos ondes, aujourd'hui, il n'y a pas de Donne-moi le goût non plus. Hein? On peut deviner ça à 17h. Bon. En tout cas, aux dernières nouvelles, sont pas là. Non. D'accord. Bon, ben, gars, je vous dis rien. Et puis, écoutez, c'est fou. Puis, s'il y a quelque chose qui se passe, ben, tant mieux. Hein? Bon. Wow. On va se quitter avec la musique de Hunter Valentine. Oui, Hunter Valentine, un groupe de filles de Toronto, sort un album le 17 avril prochain. Lessons from the Late Night. Mais nous, on l'a déjà. Ben oui, on a déjà écouté la pièce The Stalker pour se laisser comme ça. Allez voir sur huntervalentine.com ou myspace.com/huntervalentine. Parfait, alors bonne soirée à toi, Mathieu. Bonne soirée aux auditeurs. Oui, bonne soirée à toi aussi, aux auditeurs aussi. On se retrouve demain. Demain? Peut-être. Peut-être. Nous, on est là. On n'étudie pas, nous. Quand tu mets pas des étudiants comme animateur. Hey, bonne soirée. Awkwardness. I saw you in my favorite dress. Yes, it does.